MES. Ok. Département. Au mic, c'est MES. 93. LF. Frère. Si. Mon frère, tu peux pas test. Tu peux pas test. 93. Si. Pour mon frère, écoute-moi bien. Sur ce son, frère, je représente le 93. Frère. Hey, département sanglant, violent, putain, insolent, ouais, en bruit constamment, frère, c'est 93, frère, terre des chacals, mystique, technique, Khaled Galgal. Mon frère ici c'est radical, ça veut des sous, retirer les dessous. Baiser, rien à battre du grammatical. Ta balle, ton moteur, tu cales. Insociable, paranoïaque, susceptible, évite le rapport amical. Ici bas, ça sent la mort, donc sortez les belles. Regarde au travers, ton œil a créé un scalpel. 93, zone de délinquance, violence urbaine. Des persos qui baignent, écoute du hardcore, pas qui paye. Laisse ton sang sur la piste, pendant que tu lèves le majeur. Deux pointes, bonhomme avec tes fentes, quatre forces majeures. Mental de majeur, avant l'adolescence. L'odorat, le sens qui te prévient que tes semelles sentent l'essence. T'as pas de chance, hein. Tu penses à pourquoi tu es venu. Les ennuis n'ont prévu, je suis sûr qu'on t'avait prévu. Des rats, des corbeaux, des vautours. Faut le péter avant de t'éjecter dans les alentours, attends ton tour. T'es en danger dans le secteur, mieux vaut se ranger. Tu vas en manger, des ghettoyous t'attendent pas rangés. L'esprit sauvage, le véritable bloc dans le cartable. Chargé, 12 coups, toujours opé pour un plan casse-cou. Rien à prouver, département le plus hardcore. Sans demande d'accord, tu remets tout le monde d'accord. Tellement chaud t'as pu appeler. Numéro officiel des chaînes, la classe tu peux appeler. 93. La France est choquée. La coiffe est foquée. Franck bloqué. T-shirt floqué. 9-3. Coin salubre. Sale comme la scène. Obscène. Meurtre raciste à la scène. 2-5-7. 0-9-13. 9-3. 93. Derrière l'orage. Le plus proche de la presse. Saint-Denis. En effet. 9-3. Tu peux pas test. On est fait test. Incinéré la tête. Dans le domaine personne domine. Tout le monde s'envenime. On lance flamme en tant que. Le 9-3 ressent le son comme son hymne. Aucune solidarité. Malheureusement, l'amertume nous a irrité. De la haine, on a hérité. Un souterrain incendié où personne ne veut céder. Les boys du 9-3 trop fiers, personne ne va céder. L'union fait la force, ceux qui sont unis sont forts. Entre eux, c'est réconfort. Dans le 9-3, tu croises un seul mec, il est fort. Mets la pression sur le pécan ou dans le sud. Plaqué 9-13, sans permis, baisse tout, sans stress. Mon département fait des jaloux. Tu kifferais y être inconscient, tu kifferais y naître. C'est ghetto, on est habitué, on le prend comme une fierté. Et ça attire les petites bourges en quête de liberté. Sache qu'on n'a rien demandé. Tellement la défaite, juste une goutte de victoire nous fait bander. Attentif, vif, s'oblige à faire la diff. Nos petits sont des anciens comme les hiéroglyphes. Le 9-3 à 3 paires de couilles pendant que tu dois. Il t'attrape par le cou et te coule. Denis Saint-Saëns, demande pas pourquoi ça saigne. Habitué au pire, avec rien comme un empire. C'est tellement chaud t'as pas appelé. Numéro officiel des chaînes, la cage, tu peux appeler. 93. La France est choquée, y'a quoi c'est foqué. Franck cloqué, t-shirt floqué. 9-3. Coin salubre, sale comme la scène. Obscène, meurtre raciste à la scène. Denis Saint-Saëns, 0-9-13, 9-3, 93. Dernière sauvage, le plus proche de la brèche. Hey. Tellement chaud, t'as pas appelé. 93, prends pour département. 9-3, sale comme la scène. Denis Saint-Saëns, 93. 09, le plus proche de la vraie. Pierre sauvage, le plus proche. Tu connais, capitale des embrouilles. Ça veut la monnaie, la monnaie. On n'a rien demandé en plus. Rien du tout, hein. C'est la violence, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pas autrement. Tu peux rien dire, Pierre sauvage, le plus proche de la vraie.